rassemble un buki pour toi aujourd'hui. On a une invitée spéciale en studio, François Olivier. Ben oui, certainement. Une invitée qui me juge ce matin avec mon café. C'est vrai que vous parliez de café en ronde, ça avait l'air intéressant. Je vous ai dit de garder ça pour les ondes, mais ils m'écoutaient pas. Michelot, hey, enchanté ce matin. Hey, bon matin. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Tu me disais en ronde, en fait, que t'étais une lève-tôt, que t'adorais le matin. Tu te lèves-toi à l'envers. D'habitude, je me couche vers cette heure-là. Ah, c'est tout qu'un nouveau monde que je découvre ce matin. Waouh, le soleil. Ça existe, les matins. Waouh! Avant 8 heures, c'est beau. Wow, c'est ça. Beau, ça existe. Ça existe. La vie. Je pensais qu'il n'y avait rien, juste un gros blackout dehors. Génial, génial. Michelot, d'ailleurs, qui va être en spectacle ce soir du côté du Zénob. Oui. Ça commence à quelle heure? Moi, je te dirais 21h. OK, parfait. Écoute, de toute façon, on va en reparler un peu plus tard. J'aimerais ça que tu nous fasses un bref descriptif de ton parcours. Comment t'as commencé? Quand je me suis emmenée à Trois-Rivières ou dans général? Le GPS, tu disais quoi? En général, parce que en fait, t'es une petite fille de Val-d'Or. Oui, exact. OK, et puis, écoute, c'est assez... Val-d'Or, c'est loin? Oui, c'est pas plus loin que chez vous. Par comparaison à quoi aussi? Il y a plein de... À l'infini. Mais oui, en fait, je suis native de Val-d'Or. Ça fait quand même un bout que je suis là. Je suis partie à 15 ans. Justement pour faire la musique ou... Oui, c'est venu par la force des choses dans le sens où je faisais déjà de la musique là-bas puis tout mon band déménageait à Montréal. Donc, okay. Oui, pour faire de la musique. Et puis, c'est ça. Sinon, le parcours, c'est ça, j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai commencé à en jouer du violon. Et puis, j'ai lâché le violon quand j'ai découvert Kurt Cobain. Okay. Et puis, Kurt et moi, on a eu une longue histoire d'amour. Puis, c'est à cause de lui que j'ai commencé à jouer de la guitare et puis avoir des bands et tout ça. Là. Moi aussi, je voulais être dans la scène grunge de Seattle. C'est jamais arrivé. Et puis, c'est ça, depuis ce temps-là, j'ai comme jamais arrêté, mais je vais vous dire quelque chose, là, entre vous et moi, j'ai jamais été si carriériste que ça, côté musique. Je me rends compte que j'en ai fait tout le temps, puis c'était vraiment parce que je tripais, puis j'aimais ça, puis je suis surtout une fille de band, donc faire de la musique en band, j'ai toujours bien aimé ça. Et puis, dans les dernières années, j'étais la choriste et la guitariste d'un groupe qui s'appelle Electric Voodoo Clan. Puis, on the side, je travaillais tranquillement mes compos, en fait, francophones pour la première fois. Et puis, c'est parti de là. Puis, encore une fois, j'avais pas de visée vraiment. J'avais pas un truc concret vraiment à faire avec ça. Mais tu mets ça sur MySpace. Et puis, c'était dans les débuts de MySpace. Donc là, je me rends compte que j'ai des clics de plus en plus. Des gens qui m'invitent à faire des premières parties, tout ça. Donc, à cause de ça, j'ai dû quand même, tu sais, toujours enchaîner. Parce que, mettons que j'avais 4 tours, mais il fallait que j'en fasse plus pour plus, aller ouais. faire, c'est ça. Puis là, des musiciens se sont joints à l'histoire. Puis depuis ce temps-là, c'est comme si je surfais sur une vague que j'ai pas prévue, mais qui est vraiment belle. OK, c'est fun. Et puis, c'est ça, tu dis que tu as commencé à écrire francophone avant, en fait. Ouais, j'écrivais en anglais. Okay, oui, comme Kurt. Ben oui, Kurt, pareil, ton buddy Kurt. J'écrivais ça en français, lui. OK, et puis, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers le français? En fait, je pense que toute la belle vague de gens, tu finis par découvrir, tu sais, que ça se peut, parce que moi, je suis dans des années 90, là, justement, avec Nirvana, tout ça, il n'y avait pas beaucoup hein, de francophones. Il y avait quoi, Évelyne de Pingouin, qui ne me rejoignait pas tant que ça, il y avait Les Bébés. Jean Leloup un peu, mais il était tellement marginal qu'on dirait que c'était comme l'exception à la règle, tu sais, c'était pas de le francophone, c'était comme Jean Leloup, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, tu finis par te rendre compte que... ça se peut. Puis je pense que c'est avec l'arrivée de plein de bons bands, mais surtout dans ce temps-là, c'est Groovy Outbark, tout ça, okay. Qui ont comme un peu tapé à trail, j'imagine. Puis c'est un beau défi. Fait que j'ai essayé, c'est difficile parce que... C'est plus difficile que l'anglais. Parce que premièrement, et pour dire la même chose, t'as besoin de beaucoup plus de mots, tu sais. En anglais, ça, c'est quand même plus direct. Ouais. Puis après, tu veux pas sonner trop fleur bleue, tu sais. Ouais. Donc, c'est facile, j'imagine, de tomber dans le cliché en français. Vraiment. Alors qu'en anglais, la même phrase peut avoir l'air super rock. C'est bizarre, tu sais, parce que tu parles avec beaucoup d'auteurs-compositeurs francophones, puis ils vont dire la même chose, tu sais. Donc, voilà. Fait que ça a été un exercice de style, mais j'ai toujours beaucoup aimé la langue française. J'ai étudié en communication, donc... j'avais comme une passion de... Je sais, c'est pas comme si je sortais de maths là, ou quelque chose de bio. Puis que là, je me disais « wow! » Puis finalement, c'est ça, ça a bien été. C'est quand même toujours un travail ardu. Parce que, tu sais, surtout que moi, je fais pas comme de la musique engagée ni rien. C'est plutôt introspectif puis des petites tranches de vie. Assise dans ma tête, hein, c'est le nom de la loi. Voilà, quelqu'un qui a fait ses devoirs. Donc, tu veux pas non plus sonner comme une complainte, tu sais. Fait que c'est comme jouer avec les images puis tout ça, voilà. Ouais. OK. Si on continue ton parcours un petit peu, tu as participé au Francouvert. Oui. Oui, ça a bien été. Comment c'était ton expérience? Ça a bien été. J'étais vraiment contente d'avoir fait plusieurs concours avant, ce qui est drôle parce que tu sais, maintenant, je vois la liste des concours que j'ai faites puis je les ai pas mal toutes faites. Oui. Mais à base, je pense pas qu'il y ait un artiste qui aime nécessairement faire les concours dans le sens où c'est plutôt maintenant, je pense, un passage obligé dans le sens où c'est la plateforme. T'sais. Si tu veux te faire voir, c'est par exact, là que c'est ça. Oui. Puis les Francouverts, je les ai fait en dernier tout. Donc, puis j'étais contente parce que le band était plus solide, les chansons étaient plus solides, puis nous, tu sais, aussi, t'sais, des fois, tu peux arriver, j'imagine, c'est comme une scène un peu plus tough, tu sais, au Francouverte. T'as les commentaires du public qui viennent aussi, puis des fois, tu sais, c'est comme la scène locale de Montréal, c'est un petit peu plus edgy, là. Tu sais, fait que... pas que notre performance était comme... Moi, j'étais vraiment contente de notre perfo, mais aussi, j'étais contente de voir que peu importe ce qui allait ressortir de ça, moi, j'étais, tu sais, tu deviens assez solide puis t'as assez confiance en tes trucs pour pas que ça te jette à terre. Donc, ça avait quand même très bien été. Là, on n'est pas rentré dans les demi-finales, je pense, de peine et de misère parce qu'on était comme dans le classement, on était en 6, puis il restait 2 Francouvertes. En tout cas, comment ça marche, tu te fais éliminer à chaque fois. Oui. Mais ce qui était drôle, c'est que c'est Alex Nevsky qui a pris ma place. Okay. En 9e. Mais l'année d'avant, moi, j'avais fait Grande B, tu sais. Puis Alex venait de là-bas, puis on avait été... On était ensemble. Puis Alex était fait comme éliminé. Ah. C'était dans sa propre ville. Oh non! Fait que là, je l'ai tellement niaisé avec ça, tu sais. Oh, fait boy, que, boy. Ouais, c'est ah, ça. C'est dans ta propre ville, Alex! Fait que là, ben, l'année d'après, il s'est vraiment repris. Puis il a dit qu'un Wallet. Donc, subtilement, tu viens d'intégrer le O de ton nom pour dire Wallet. Oui. Ça m'amène à la question que tout le monde aurait posée. Sinon, tu sais, le O voulait dire quoi? Puis là, j'aurais sorti comme une liste de gens. Est-ce que ça veut dire original? C'est une piscine d'oiseaux. OK. obligatoire à écouter. Ah, ouais. Ou obligatoire zéro. À écouter. T'sais, j'aurais été fin, mais ou là, zéro. C'est raté. Ouais, ou le cercle, tu sais, c'est comme un. C'est pas un symbole. Charles Lafortune. Ouais. C'est ça. Donc, c'est Michel Charles Lafortune. C'est ça. Okay. On est de même. Je comprends. Ouais. Après Kurt Cobain et Charles Lafortune. Même calibre. J'ai trouvé plus accessible. C'est un petit peu plus facile à trouver. Moins mort. Un peu moins mort. Quoique, il est à TVA. On parlait de l'album, on a mentionné le titre Assise dans ma tête. Oui. L'album, peux-tu me parler un petit peu du processus, comment tu t'es rendu à faire cet album-là au complet? Oui, c'est un beau processus, en plus, vous allez voir. OK. En fait, il a commencé il y a 2 ans parce que, tu sais, justement, je parlais un peu de surfer la vague puis tout ça. Oui. Puis nous, on a eu vraiment une super belle réception puis une espèce de gros coup de pouce de tous les médias indépendants là-bas. Tu sais, Bonaparte, ben indépendant, je sais, mais bon. Bonaparte, le Bang Bang, tout ça. Et puis, je pense qu'on voulait pas se servir de ça, mais ça a été comme une espèce de drive pour nous faire faire un album. Et puis, on s'est dit, pourquoi attendre un label? On va le faire. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Donc, on l'a fait indépendant. Mais on a vraiment tout mis là-dedans, là. Nos nuits, pas d'argent, nos sous, sacrifice. Tout le kit, exactement. Mais puis, on était juste mon petit clan de musiciens, puis moi. Puis, on était tous à notre première fois, là. Je veux dire, personne là-dedans avait produit d'album avant. Puis ça a été, tu sais, même encore, je l'écoute, puis on n'a pratiquement rien changé, là, parce que c'est bon, puis je suis vraiment fière de ce qu'on a pu faire comme à partir de rien. Et puis, on l'a sorti indépendant, donc en août 2010, si je me trompe pas. Et puis là, ben, Passeport qui était déjà venu nous voir, puis il nous avait approchés, sauf que dans leur échéancier, c'était un petit peu trop loin pour nous. Tu sais, on est en plein dedans, puis là, eux, ils nous disaient, on va sortir ça vers 2011, puis on était comme, oh non, c'est trop loin, là. Mm. On veut le faire maintenant, mais merci beaucoup, tu sais. Fait qu'ils disaient, OK, on garde une oreille sur vous quand même. Puis une fois que l'album a été fait, ils ont dit, on aime vraiment ton album, puis on trouve qu'il mérite qu'on le projette au travers le Québec. Oui, le distribuer. Exactement. Donc, ils nous ont signé en licence. Et puis là, ben, on a retravaillé. Tu sais, les petits trucs à la dernière seconde qui finissent par te gosser sur ton album. Oui. Là, on a eu la chance de les changer. Ah, c'est fun. Et puis, on est retourné en studio. On a fait 3 nouvelles chansons pour pas non plus ressortir exactement la même chose. Et puis là, ben voilà. En attendant, nous, on travaille sur le deuxième. Mais je trouvais ça vraiment... C'est le meilleur des mondes, tu sais. Parce que non seulement on a fait l'expérience de le faire indépendant, de bûcher tout seul puis tout ça... Et puis, après ça, ben, on a comme la chance d'avoir une deuxième vie pour l'album puis de pouvoir projeter ton bébé partout. Parce que c'était un peu dommage malgré tout. On était contents du résultat, mais on était conscients que la portée était quand même limitée. T'sais. Donc là, maintenant, de pouvoir au moins le mettre sur les tablettes en attendant le deuxième, ben, c'est chouette. Ce qui est le fun là, du CD de Michel O, là, il est spécial, OK? Il est pareil, il est en forme de O. C'est un O et avec un disque. Trou dedans. Et de disques. Sérieusement, là, quand tu mets à penser à tout ça, c'était peurant. C'est comme, sérieusement, moi, je suis en train de perdre le contact avec la réalité des fois. Tout le monde devient haut, tout est haut, tout est un cercle. Il y a des hauts partout. Ah, incroyable. Ah, oui. C'est comme une forme bien... Ouais. Ouais. On t'a parlé de tes musiciens tantôt aussi. Oui. Des fois, ça m'arrive de dérailler l'entrevue. C'est correct. Ouais. Merci de c'est faire Mathieu ça Plante. Le matin. C'est Mathieu Plante. Tu vas le retenir. Mais merci. Porte ben, ta jambe. Non, j'ai rien dit. Non, t'as rien dit. OK. Mathieu Plante. Mathieu Plante. Le déviant. Oh! Ça, c'est pas la première fois qu'on me dit déviant. Oh. Donc, c'est pas une qualité. Pas une qualité, nécessairement. Tu parles de tes musiciens. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton groupe, les gens qui jouent avec toi régulièrement? Ah oui, même s'ils ne sont pas là ce matin. Ouais, mais... on pensait peut-être que tu serais accompagné. J'aurais donc aimé ça. Mais non, eux, ils arrivent tout à l'heure. Là, okay. Tu sais, ben, ils me laissent aller faire les jobs de matin. Vas-y. Puis... Mais oui, parce qu'ils sont importants, parce que, ben, en fait, Pierre-Louis Lavoie, qui est aussi le réalisateur de l'album et le guitariste, et Maxime Audet, qui est le bassiste contrebassiste, sont avec moi depuis le tout début. Donc, des fois, tu sais, je trouve ça un peu ingrat pour eux, dans le sens où ça s'appelle Michelot. Là, j'aurais couru après, ouais. Vous me direz. Mais, tu sais, eux, ils ont vraiment un gros apport créatif là-dedans. Moi, j'arrive avec les mélodies, j'arrive avec les textes. Puis je sais à peu près où je m'en vais la plupart du temps. Mais il y a un gros bout qui est deux, tu sais. Puis quand ils sont arrivés... dans le projet, comme je vous disais, moi, je zigonnais sur ma guitare, là, puis j'avais quelques textes, mais leur apport a comme fait un déclic. C'est vraiment comme si c'était l'âme sœur de mes tunes qui est arrivée. Puis ce qui est curieux, c'est qu'on se connaissait pas vraiment. Là, ah non, pour vrai? Non. Comment vous êtes rencontrés? Moi, Maxime était le bassiste du band dans lequel j'étais aussi, okay. Electric Voodoo Clan. Et puis, c'est drôle de travailler avec Pierre-Louis, je pense, au Archambault, un truc comme ça. Puis eux avaient étudié ensemble en musique. Puis là, il dit, le mec avec qui je travaille veut vraiment jouer sur tes tunes. Puis tout. Puis moi, j'étais comme, voyons donc, quelqu'un veut jouer là-dessus. C'était tellement basic, puis c'était tellement, tu sais, c'est entend... le fun, par exemple, c'est le fun d'entendre. Incroyable. Puis surtout, une fois que tu vois le calibre du musicien, tu sais, c'est des gens qui ont leur bac en. En musique. C'est incroyable, là. Je veux dire, c'est vraiment un musicien. C'est des connaisseurs. Des musiciens hors pair. Donc, c'était d'autant plus. Tu sais, moi, j'imaginais ça que la première répète, puis il y a 5 ans, tu sais, il est arrivé, puis j'imaginais ça qu'il arrivait avec sa guide sèche, puis il allait strummer les affaires que je strummais, là, la même affaire, tu sais. Puis là, déjà, il arrive avec sa guide électrique, je suis comme, mais il a rien compris, ce gars-là, au projet. Puis là, il se met à jouer. Puis là, moi, je suis quelqu'un, comme vous pouvez voir, là, un peu. Donc, là, on faisait une toune, puis je faisais juste crier tellement que j'étais comme, waouh! Puis là, lui, il était tout gêné, mais on se connaissait pas. Puis il dit, ma référence, c'était les paroles, tu sais. Puis il était là dans sa tête, vas-tu fermer sa gueule, puis chanter? Parce que là, il était comme, je me reconnais plus dans la tune, mais tu sais, vraiment, il a saisi quelque chose que même moi, j'entendais pas, là, tu sais, parce que j'ai pas les compétences pour. Donc, non, puis depuis 5 ans qu'on se promène partout, le drummer, je suis un peu plus instable sur les drummers, là. Ben ouais, à notre quatrième, moi. Ben là, le dernier, tu vois, Alissa Leblanc est partie avec. Oh! La voleuse. Ben, ils étaient ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui arrive quand t'es musicien. Surtout les drummers. Ils ont comme tout le temps 75 projets, puis ils attendent qu'il y en ait un qui décolle, puis c'est ça. Ben, bye-bye. Ça clique ça. Là, on avait comme une dispo ou deux pour des répètes en 2014. Puis j'ai dit, Maxime, il va falloir qu'on te trouve un sub. Ouais. Donc maintenant, c'est Miles du pire gagnant, imagine. Il s'appelle Miles. Miles, tu sais. C'est beau, hein? C'est super anglophone. Ouais, vous allez le voir ce soir, genre de Trois-Rivières. Mais c'est ça, ce soir, tu joues au Zenob, ouais. À partir de 21h. À peu près. Ben, genre. Mettons, arriver à 20h, là. OK. Puis comme ça, on pourra jouer pour vrai à 21h. Ouais, ça, OK. Parce que t'aimerais pas que ça se repousse trop tard le soir si les gens arrivent à 9h? Ben, ça nous stresse, nous. Puis ça nous stresse, nous, les artistes, quand il n'y a jamais personne qui arrive à mentir 11h, on dit personne viendra. Ouais. Surtout que là, on est en terrain inconnu, tu sais. Trois-Rivières, t'es jamais venu? Non. Okay, première fois, là, j'ai vu à date votre boulevard puis votre labo de chimie en bas. Puis minuscule studio. Ouais. La ville s'arrête pas mal au boulevard. T'as fait le tour. Pense pas. Arrêtez donc. Ouais. J'ai vu un Walmart. Oui, t'as un centre, t'as deux centres d'achat. Même trois, si tu comptes le Cap. Non, deux Walmart. Deux Walmart. Ben oui, ça, Cap. Ça, Walmart par Rivière? Quasiment. Trois-Rivières? Faut que tu rames des rangées. En tout cas... Quoi? Question suivante. Ah, ben, donc, ce soir, le spectacle, c'est votre groupe, oui. Tout seul. Est-ce que vous allez faire des pièces du futur oui, album? Oui, au complet. Puis comme on fait un espèce de concept, ben concept, là, capotez pas. Et comme on doit jouer 2 sets, ben tu vois, le premier est plus tranquille, contrebasse, les petites balades. Puis okay. Ça, on se réchauffe tranquillement. Puis le deuxième set, c'est du cardio. Là, pour ah, le ouais, c'est du cardio? Ouais, un peu. Yoga. Pour la, ouais. Justement, en fait, on peut s'attendre à quoi? Mais Michelot, nous, on est réputé pour... Ça a l'air big, dire ça. Hein? Ouais. Puis un peu venteur, mais c'est ce que je suis. Tu l'assures. Bon. On se fait beaucoup de fun sur la scène. Il n'y a pas de... C'est un gros party. vraiment. Ben, à moi, tu sais, non, même à ça, tu vois, des fois, il est vraiment comme presque personne. Puis nous, on. Puis c'est ce qui est chouette de voir que, même après 5 ans, tu sais, des fois, ça arrive, là, que t'as une gig, puis il y a 4 personnes, puis là-dessus, il y en a 2 qui te collent une tonne de Pink Floyd, là. Ah oui. Mais, tu sais, de voir que tu peux quand même te faire beaucoup de fun. Tout en divertissant le public. Ben, on essaie aussi autant que possible, mais ouais. Je pense que ça vient. C'est ça, je pense que l'énergie devient contagieuse, ouais. Surtout dans des petites crowds de même. Mais, donc, c'est vraiment ça, tu sais. Puis là, c'est différent, la fébrilité, parce que là, c'est ça, on s'en vient vraiment en terrain connu. Tu sais, on a fait beaucoup, beaucoup de shows, mais souvent, c'est dans des festivals, puis t'es invité, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde. Fait que, tu sais, ça passe un peu comme ça. Ou en Abitibi, donc là, on a tout le temps, c'est sûr, une réception géniale, parce que je viens de là. Ou à Montréal, que tu finis par, tu sais, c'est tout le temps les gens. Réseau, c'est ça. Mais là, c'est comme, tu sais, c'est vraiment une fébrilité différente, là. On s'en vient dans des espèces d'endroits super loin. Bon. Mais c'est ça, c'est... Il faut se lever tôt. Est-ce que c'est ta première tournée? Oui. Oui? Ouais. Okay. Oui, comme ça, oui. Fait que la conquête de Sorel et de Trois-Rivières et de où est-ce qu'on s'en va, Sherbrooke. Hey, j'ai même vu Louisville. Ouais. Hey, hein? T'as des bons yeux. Ouais. En novembre, hein? Ouais, c'est ça, le 28. On ferme la tournée, en fait. OK. Avec Louisville. Tu gardes le meilleur pour la fin? J'espère, je ne sais pas. Je pensais que c'était là qu'il faisait les bâtons de hockey, l'autre fois. Ah ouais? Puis là, il m'a dit non, ça c'est Louisville aux États-Unis. Louisville. C'est ça, Louis. À Sherbrooke, il faisait les Sherwood, mais ça, c'est un autre histoire. J'irai voir ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, pour vrai? OK. Donc, on parlera de d'autres dates de tournée plus tard. Ouais, mais pour ouais, ça, je pense que nous, on est très, très excités à entendre une petite performance live en studio. Live and folk. Et que ça va être bon, ça. OK. Avec ma voix de garou. Voici Assise dans ma tête. Hey, ça sonne super bien. Oui. Ça a vraiment bien sonné. Ta voix est parfaite. Ouais, c'est pas garou, là. Un non. Picarou. Non, non. Ah, tu vas voir, à soir, c'est comme deux octaves plus haut que ça, là, d'habitude. OK. En tout cas, ce matin, ça ressemblait pas... Oh, merci, les garçons. Regarde. Très beau, évidemment. Michello, en studio avec sa pièce Assise dans ma tête. C'est cela. On va se quitter tantôt avec une autre pièce. Oui. Et ce sera L'étage. Mais avant ça, on rappelle un petit peu la tournée pour commencer le spectacle de ce soir à Trois-Rivières. Exact. Au Zénob à, mettons, 20h. Oui, mais 20h. 20h. Disons 20h. Oui, comme ouais. ça. Oui. 20h. Samedi, Québec? Non. Non. Sorel? Sorel, oui, tout à fait. Excuse-moi. Il essaie de me mélanger. Ah, ouais. Ah non, tu suis à game, écoute. Samedi Sorel. Ça paraît que c'est ta tournée. C'est tellement pas en plus. C'est vraiment une loque. Non, samedi Sorel. le 2 qui tombe mardi, si je ne me trompe pas, au Québec. Oui, ouais, Québec. C'est ça. Oui, un lancement. À la quasi. Exact. Exact. Une cool. festivité de lancement. C'est pas un vrai lancement. OK. Ensuite, tu fais Sherbrooke, Gatineau et Louisville, comme on le disait. Oui. Le CD est en magasin depuis le 11 septembre. Oui. Assise dans ma tête, vous le cherchez. Michello. Ah, il est beau en plus. Hein. C'est un haut dessus. Oui, hein? Ou un disque vinyle. Ça, là, les gens vont se mêler. Ils vont aller au magasin, ils vont demander, hey, est-ce que tu as le haut de quelqu'un, tu sais, à place de dire le disque? Ah, mais si c'est un bon disquaire, il saura de quoi qu'on parle. Oh, écoute. Ben, il écoute, c'est fou. S'il est à Trois-Rivières, premièrement, oui. Donc c'est un bon disquaire, il écoute, c'est fou. Exact. Ça, c'est Et disponible aussi en numérique sur iTunes, entre autres. Oui. Tu as été featured sur iTunes. Hey, c'était fou, ça! Big Star, là. Hey, moi, je me suis levée le matin, là. C'est plaisant. C'est des choses qui te nourrissent dans la vie. Ah, okay. Oh, oui, tout à fait. C'est beau, hein? Faut en profiter. Ah, ouais. Tu es sur Facebook, Twitter, Bandcamp, MySpace, mais tout avec des noms différents, mais les liens sont sur assemblagevecu.com. Exactement, oui. Et que c'est le fun. Michello.com aussi. C'est ça, je pense. Oui. Aux dernières nouvelles. Ils ont fait des affaires, c'est moi. Ben, c'est ça. Les mentionnés sont très importants. Hey, écoute, on très vite, le 28, ça donne. Tu vas dans le coin de Louisville. Oui. Si t'as le goût de te lever de bonheur encore. Yeah! Si t'as une autre prestation, ça serait cool. Ça... On verra si c'est un autre jour, on pourra te mettre plus tard, dépendant de ce qu'on a comme. Ouais, c'est ça. Je sais pas exactement. On regardera ça. Okay, donc, Michello, merci, t'es super fine, t'es super bonne. Tout à fait. Et puis on se quitte avec la pièce L'étage. Est-ce que tu veux juste nous mentionner un petit peu c'est quoi L'étage pour toi? Oui, en fait, c'est la grave histoire d'une infidélité. Hein? Fini bien? Voilà. Ça finit bien comme ça? Bonne journée. Bonne journée. L'étage Michello, ben, merci.